Voici la bibliothèque, bien organisée, bien rangée. Il y a des livres différents, comme des livres de français et d'anglais. C'est le résident qui l'occupe. Il s'appelle André. Voici la photo de la réserve, l'armée de salut. L'armée de salut reçoit de dons, de banques alimentaires, de la Commission européenne. Dans la réserve, tout est bien rangé, bien organisé. Les règles d'hygiène sont respectées.